Chapitre 15e. Cet essai commença et se continua sans que M. de Mussidan parût savoir que sa fille allait au conservatoire 3 fois par semaine et les autres jours chez Mme Raffelis. Après réflexion, il s'était dit que le mieux était qu'il en fût ainsi. Comme il pourrait toujours payer les leçons de Mme Raffelis quand Mlle de Puylaurens mourait, il n'était pas nécessaire qu'il s'engageât à ce paiement d'une façon précise. Et d'autre part, comme il n'avait aucun intérêt à traiter dès maintenant la question d'exploitation de l'élève par le professeur, le jour où cette exploitation se produirait, il interviendrait, et alors il n'aurait que plus d'autorité pour faire valoir ses droits de père de famille. L'argent de l'île lui permettait d'attendre et de continuer l'existence qu'il menait depuis 10 ans. Sans doute ce n'était pas celle qu'il aurait voulu et qu'il avait espérée, mais enfin, il pouvait tous les jours descendre à Paris, se montrer là où se réunit le monde, visiter quelques amis où il avait la satisfaction d'entendre un balai jeter à pleine voix son nom et son titre, enfin, le soir, s'étaler dans toute la grâce de sa noble prestance sur les divans de son café, en frappant du plat de sa belle main sa cuisse allongée, tandis que d'une voix sonore, il expliquait à ceux qui voulaient bien l'écouter que c'était la grande vie 20 ans auparavant, racontant ce qu'il avait fait, répétant ce qu'il avait dit. Ah, ce n'était pas comme aujourd'hui. Cela ne le gênait en rien que sa fille travaillât. Le matin, pendant qu'il dormait encore, elle s'en allait, accompagnée de sa mère, au conservatoire, ou chez Mme Raffelis. Après déjeuner, quand elle se mettait au piano, il sortait pour faire sa promenade habituelle, et le soir, quand il revenait de son café, elle était couchée et depuis 1 heure ou 2, déjà endormie. « Nous verrons bien, » répétait-il, « il faut essayer. » Mais si cela n'avait apporté aucun changement dans sa vie, par contre, cela en avait apporté un considérable dans celle de Geneviève. Il ne s'agissait plus d'étudier un morceau pour le plaisir, il s'agissait de travailler sans repos de 12h à 19h, non des morceaux plus ou moins amusants, mais des exercices aussi fatigants que fastidieux qui n'ont d'intérêt qu'au point de vue du mécanisme et de l'exécution et qui découragent tant d'élèves. Il ne s'agissait plus maintenant de prendre son temps pour se reposer quand ses bras endoloris refusaient de continuer. Si intense que fût cette douleur de l'avant-bras que connaissent tous les pianistes, il fallait persévérer après quelques secondes d'arrêt seulement sans s'abandonner aux défaillances qui lui noyaient le cœur. « Ah, maman !» s'écriait-elle quelquefois. Alors sa mère venait à elle pour l'encourager en l'embrassant. « J'ai les bras cassés !» disait-elle. « Cela n'est rien !» répondait la mère, « tu sais que Mme Raffelis t'a dit qu'il faut ça, et que tout le monde passait par là. Oui, 1 heure je veux bien, mais 6 heures, mais 7 heures. Avec 1 heure tu n'arriverais jamais, et il faut que tu arrives cette année, il le faut pour ton père et pour moi. Travaille quand même tes exercices du 4e doigt. Oui, maman. » Et ses petits doigts recommençaient à répéter sur le clavier la même note pendant 1 heure. C'était la lassitude seule qui lui arrachait parfois ses quelques cris de douleur, et jamais elle ne se plaignait de trop travailler. « Je sais bien, » disait-elle, « qu'il faut que je me dépêche. » Et alors, s'interrompant un moment, elle faisait des projets pour le jour où elle gagnerait de l'argent. « D'abord, toi, tu ne travailleras plus. Tu me conduiras dans les concerts. Tu auras une belle robe, nous irons en voiture. Le dimanche, nous nous promènerons depuis le matin jusqu'au soir à la campagne et nous prendrons Odile avec nous. Elle sera si contente d'aller à la campagne, elle est si fatiguée. » Mais c'était le plus souvent pendant le trajet de Montmartre au conservatoire, ou en revenant à Montmartre, qu'elle arrangeait leur avenir avec cette audace enfantine que rien n'arrête et qui met à la place de la réalité qu'elle ignore la féerie qui la charme. « Tu verras, tu verras. » Que de choses on verrait. Elle n'avait jamais fini de les énumérer ou de les montrer quand elle arrivait au conservatoire. Alors, au lieu de continuer à trottiner à côté de sa mère en bavardant, elle prenait un air grave, et la petite fille devenait une jeune fille qui sait qu'on la regarde. Et en effet, on la regardait réellement, car on lui avait inventé une sorte de légende connue de tous. C'était un enfant prodige, l'élève préféré de Mme Raffelis, qui voulait avoir la première médaille avec cette petite. Il n'y avait pas à s'exterminer le tempérament cette année-là, le prix était donné à l'avance. On choisirait le morceau de concours de façon à ce que ses petites mains puissent l'exécuter. Le jury serait gagné et Mlle de Mussidan passerait sur le cours de tout le monde. Et si elle méritait vraiment le prix? Une gamine! Et quand cette gamine entrait dans la cour où allaient et venaient les élèves, elle produisait toujours un mouvement de curiosité. Parmi les élèves des classes de déclamation lyrique ou de déclamation dramatique, on la regardait pour la regarder, sans malveillance comme sans envie. ce n'était pas une ribale. Une petite bête intéressante, voilà tout. Il en était de même chez les élèves des classes de composition idéale, de violon, de contrebasse, de flûte ou de trompette à coulisses. Mais avec les élèves des classes de piano, il en était tout autrement, et c'était pour la critiquer qu'on l'examinait. Que ne pouvait-on la manger des yeux, la faire entrer sous terre, cette voleuse de médailles? Chez les petites comme chez les grandes, chez celles qui arrivaient avec une misérable robe de laine et un châle tartan, comme chez celles qui étalaient fièrement leur manteau de loutre et leurs bijoux en filles qui ont pris la vie par le côté pratique, le sentiment était le même. Et il n'y avait pas que les élèves qui la regardaient avec ses méchants yeux. Les mères étaient encore plus enragées. Mais ce n'était pas à Geneviève qu'elles adressaient leurs coups d'œil haineux ou leurs propos méprisants. C'était à Madame de Mussidan. C'était sur elle qu'ils exerçaient leur langue et leur esprit. Sur son passage s'élevait toujours un murmure dont elle n'entendait pas distinctement les paroles, mais dont elle ne comprenait que trop bien la musique. On la rencontra dans un corridor ou un escalier, et on la toisait des pieds à la tête, s'écartant d'elle avec dégoût ou la frôlant avec insolence. « Vous n'avez pas la prétention de prendre partout la première place, peut-être. »« Après vous, madame, s'il en reste. » Quand Madame Raffaelli s'adressait un compliment à Geneviève, on la faisait responsable de cette injustice. Quand, au lieu d'une approbation, c'était une réprimande, c'était à elle que s'adressaient les sourires moqueurs. Pas si forte que ça, la gamine. On s'était trompé sur son compte. Elle baissait. Elle n'aurait pas le prix. Et alors, ces jours-là, on daignait lui adresser la parole directement. « Est-ce qu'elle n'est pas malade, votre petite ?»« Mais non. Vous en êtes sûr ?»« Sans doute. » »« C'est étonnant. Elle est toute pâle. Elle n'a pas d'énergie. Elle travaille peut-être trop. » Pas plus que d'habitude. À la longue, on se fatigue, surtout quand on est si jeune. Et puis on dit que les enfants qui ont des dispositions si extraordinaires sont toujours fragiles. Il faut les mener en douceur. Et on lui racontait des histoires terribles d'enfants qui avaient été surmenés. Ils ne s'étaient rétablis que par le repos. Je sais bien que c'est une année de perdu quand on arrête un enfant, mais enfin, il vaut encore mieux perdre la médaille que de perdre la santé. La médaille, on la retrouve l'année suivante. La santé, on ne la retrouve pas. C'étaient les mères de celles qui devaient quitter le conservatoire à la fin de cette même année qui parlaient ainsi. Quant à celles qui avaient encore du temps devant elles, leur langage était différent, et leur calcul aussi. Si cette gamine devait avoir le prix, qu'elle l'obtint tout de suite, on serait débarrassé d'elle l'année suivante. Si ces propos attristaient la mère, les réprimandes de Madame Raffaelis, si légères qu'elles fussent, bouleversaient la fille profondément. Alors à ses élans d'espérance succédaient des heures d'accablement et de défaillance. Ce n'était plus en trottinant auprès de sa mère, le nez au vent, gaie, souriante, bavarde, qu'elle remontait à Montmartre. C'était en marchant tristement, la tête basse, silencieuse, se faisant traîner, en répétant seulement de temps en temps « Je ne pourrai jamais. » « Mais si, ma chérie. » « Non, maman, je suis trop petite, j'ai les doigts trop petits. » Et elle montrait sa main toute mignonne, aux doigts allongés, amincis en fuseau avec de gracieuses fossettes. « Et puis ce n'est pas seulement la main qui me manque, c'est le poignet, c'est l'avant-bras, c'est la force. Qu'est-ce que tu veux que je fasse si le morceau de concours est un morceau de force? Et puis il y en a qui ont tant de talent. » Elle nommait celles qui avaient tant de talent avec une justice parfaite, leur rendant ce qui leur était dû. Des grandes filles qui avaient presque le double de son âge, qui travaillaient depuis 10 ans et qui savaient tout ce qui s'apprend. « Comment veux-tu que je lutte contre elles, moi qui ne sais rien ?» Elle baissait la voix. « Car c'est vrai, maman, je ne sais rien. Quand je suis toute seule, je crois que je sais quelque chose, mais quand, en classe, je les vois, je les entends, je sens que je ne sais rien. » « Si tu n'étais pas en état de concourir, crois-tu que Madame Raffaelis te présenterait comme son élève ?»« Oh, Madame Raffaelis, il y a des moments où je l'étonne, et puis il y en a d'autres où je la décourage. Je vois bien cela. Ah, si papa n'avait pas besoin que je lui gagne de l'argent cette année. » « Il ne faut pas lui faire de la peine. » « Non, maman, ni à toi. »